إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons بإذن الله وبعون الله عز وجل l'explication en langue française et donc la traduction du livre intitulé أحكام مناسك الحج والعمرة. Les Cheikh Al-Allama, Cheikh Al-Islam, Ahmed Ibn Taymiyyah, Rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Le cours dernier, on avait terminé d'expliquer, en tant que préliminaire introduction à l'étude du livre, ce qu'était Arkan al-Hajj, les piliers du Hajj, également Wajibatul Hajj, les obligations du Hajj, Sunan al-Hajj, les Sunnah du Hajj, Mahdhurat al-Ihram, ce qu'on ne devait pas faire lorsqu'on était en état de sacralisation. Donc tout ça on l'a énuméré, on l'a détaillé pour que on puisse faire une synthèse claire avant de commencer l'étude du livre et qu'on sache lorsque Cheikh Al-Islam il va nous parler d'un des points donc qu'on aura vu, est-ce qu'il fait partie d'un rukn, des arkan, ou est-ce qu'il fait partie de wajibat, de sunan ou mahdhurat al-Ihram. Le Cheikh va préciser bien entendu tout au long du livre, mais faire une synthèse en introduction, ça aidera les frères et les sœurs donc à comprendre encore plus ce qui va être introduit dans le livre. On s'était arrêté à la parole du Cheikh, rahimahullah ta'ala, wa alayhi idha wasala ila al-miqat an yuhrim. Et on avait donc expliqué que lorsqu'on arrivait à ce qu'on appelle al-miqat, et on avait dit ici al-miqat al-zamani, c'est donc une limite dans le lieu, c'est délimité au niveau du lieu, au niveau donc du parcours, an yuhrim. Et on avait dit que al-ihram, on avait expliqué ce que c'était, et que ça reposait ici bien entendu sur an-niyya, ça reposait sur an-niyya, et donc bien entendu ici c'est al-rukn, ça fait partie ici donc du rukn, ça fait partie donc du pilier, an yuhrim. Et ici, on le répète, qui an-niyya, qui est donc l'intention. Et on avait dit qu'avec cette intention, il fallait automatiquement soit une parole ou soit un acte. Et si par exemple, la personne, elle commence à réciter Talbiya, Yulabbi, alors, Bilittifaq, Yana'aqid al-Ihram, c'est-à-dire donc, que ici, automatiquement, il devient bel et bien Muhrim, il est donc en état de sacralisation. À partir de cette Niyya, et à partir de cet acte, ou de cette parole qu'il a dit. Et le Shir, ensuite, il va nous parler de ce qu'on appelle Al-Mawaqit, qui est le pluriel de Miqat. Donc ces termes, si on peut les écrire en arabe et également en phonétique, pour que ça soit plus clair lorsqu'on les prononce, le fait de les avoir sous les yeux, ça facilite la mémorisation. Donc Al-Mawaqit, c'est le pluriel de miqat. Il nous dit le shir al-mawaqit khamsa. Donc, ces mawaqit, elles sont au nombre de 5. On a donc dit des limites de lieu. La première, il nous dit dhul-hulayfa. Dhul-hulayfa. Le deuxième, c'est wal-juhfa. Le troisième, c'est waqarnul-manazil. Ou le quatrième, c'est ويلم لم. Et le dernier وذات عرق. وذات عرق. Donc ici le Cheikh nous a cité les 5 مواقيت: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلم لم وذات عرق. Et nous dit le Cheikh après les avoir cités: ولما وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم المواقيت قال هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن يريد الحج والعمرة ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. Ce hadith qui vient de nous citer, donc la parole du shir ici, c'est tout simplement Nas al-Hadith. Il nous a cité le hadith comme il est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et également dans l'authentique de l'imam muslim, donc muttafaqun alayh min hadith ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Il nous dit, en rapportant cette parole du prophète sallam, hunna li ahlihinna wa liman marra alayhinna min ghayri ahlihinna. C'est-à-dire donc que ces cinq mawaqit, ils sont pour ces gens respectifs. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a désigné ces cinq lieux, il a à ce moment-là délimité, il a donné une limite au niveau du lieu, al-mekan. Et cette délimitation, elle s'est faite en cinq points. Et ces cinq points, ils ont été respectivement pour leurs gens, entre parenthèses, li ahlihinna, comme il est venu dans le hadith. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donc que ces cinq délimitations, elles sont pour des gens qui habitent dans des contrées bien précises. Que ce soit du côté du sud, ou alors de l'est, ou alors de l'ouest. Et comme on va voir, et comme le cheikh va nous expliquer pour qui elles sont. Taïb, on va ensuite détailler. Pour les cinq, on va détailler pour qui elles sont. À travers donc la parole du cheikh. Et ensuite, donc, la première parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, hunna li ahlihinna. Donc, elles sont pour leurs gens respectifs. Waliman marra alayhinna min ghayri ahlihinna. Iman yuridu al-hajj wa al-umra. Et également, elles sont pour ceux qui vont passer sur ces limites et qui ne font pas partie des gens de ces limites. C'est-à-dire, une personne qui viendrait du Maghreb, soit du Maroc, soit de l'Algérie, que ce soit de la Tunisie, et qui passerait devant la limite, donc al-Miqat, des gens de Médine, qui est Dhul Hulayfa. À ce moment-là, cette personne, son Miqat, c'est pas le sien. Parce que ce Miqat, Dhul Hulayfa, c'est pour qui ? C'est pour les gens de Médine. C'est pour les gens de Médine. Mais le fait que lui, il passe devant ce Miqat, par exemple, il a visité Médine, et ensuite, il part pour faire son Hajj, et bien entendu ici, on verra qu'il y a Ikhtilaf des savants sur cette question-là. Est-ce que la personne, lorsqu'elle passe sur ses Miqat, automatiquement, elle doit se mettre en état de sacralisation, même si elle ne fait pas un Hajj ou un Umrah, si par exemple elle part à Mecca simplement pour Tija, Ikhtilaf et le Shir, Yushir ilay, c'est-à-dire que le Shir va indiquer cet Ikhtilaf, sans rentrer dans les détails. À la kulli hal, ici, il est bien précis dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, liman yurid al-hajj wa al-umrah. Pour celui qui veut le hajj et pour celui qui veut la umrah. Tayyib. Donc on est bien dans ce contexte. Donc la personne qui vient du Maghreb et qui était à Médine, ensuite qui part en direction de Mecca pour faire sa umrah, ou alors pour faire son hajj, alors à ce moment-là, lorsqu'il part devant le miqat des gens de Médine, donc c'est pas son miqat à lui, donc il passe lui devant le miqat des gens de Médine, alors à ce moment-là, lui il fait l'ihram de ce miqat là. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit hunna li ahlihinna wa liman marra alayhinna min ghayri ahlihinna. Et pour ceux donc qui vont y passer sans qu'ils font partie de ces gens à cette donc à cette limite à ce miqat liman yurid al-hajj wal umrah. Donc ça c'est les points qu'on tire de cette parole prophétique. La suite du hadith wa man kana manziluhu dunahunna famahalluhu min ahlihi hatta ahlu makkata yuhilluna min makkah. Maintenant la deuxième possibilité qui se présente et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va y répondre, c'est-à-dire que la personne elle habite après cette délimitation, qu'elle se trouve donc entre ce miqat et Mecca jusqu'à même les gens de Mecca, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hatta ahlu makkata, c'est-à-dire même les gens de Mecca. ces gens-là, quel va être l'endroit où ils font l'ihram au moment où ils ont eu donc la niya de faire l'hajj ou l'umra, et au moment donc ils ont la niya de faire l'ihram, donc de rentrer dans la sacralisation et donc de rentrer dans le rite de par cette niya, et qui est l'ihram et qui est le pilier, qu'est-ce qu'ils doivent faire donc? Eux, leur miqat à eux, c'est l'endroit où ils se trouvent, l'endroit où ils habitent, l'endroit où ils logent, l'endroit où ils sont muqim, où ils résident. Car le prophète sallam yaqul wa man kana manziluhu dunahunna famahallu min ahlihi. Donc ceux qui ont leur logement, leur résidence, qui est donc en dehors de cette délimitation, c'est-à-dire on dit en dehors de cette délimitation, à l'intérieur de cette délimitation, précisément à l'intérieur de cette délimitation, famahallu min ahlihi. Donc à ce moment-là, eux, ils commenceront et ils se mettront en ihram de leur endroit. Et pour les gens de Mecca, de même. La personne qui habite à Mecca, le jour où il va faire le hajj, il va commencer donc le hajj, c'est-à-dire le 8e jour de Dhul Hijjah, à ce moment-là, lui va se mettre en état d'ihram d'où ? Il va se mettre en état d'ihram de Mecca. Après, bien entendu, s'il y a également un irtilaf des gens de science, est-ce qu'il y a une umrah pour les gens de Mecca ou pas ? À kulli hal, ça c'est une autre question. Donc, lorsque vient le jour du début du hajj, les gens de Mecca, eux, ils font donc, ils deviennent en état d'ihram, wa yuhilloun, de l'endroit où ils habitent, de leur résidence même, de leur maison même. Taïb, ça donc c'est pour la jurisprudence, la compréhension de ce hadith du prophète sallam concernant al-mawaqit. Concernant al-mawaqit. Ensuite, le shir va nous dire, fadhul hulayfa ya ab'adul mawaqit. Donc, dhul hulayfa, comme on l'a dit, c'est pour les gens de Médine. C'est pour les gens de Médine. Et c'est là où la plupart des gens, aujourd'hui, tous ceux qui viennent, par exemple, d'Europe, qui viennent du Maghreb, etc., qui font donc le hajj, principalement, et dans la plupart des cas, ils vont d'abord à Médine. Et ensuite, donc, lorsqu'ils partent de Médine, en direction de Mecca, pour accomplir leur pèlerinage, ou alors pour accomplir leur umrah, ils vont passer devant ce miqat. Et c'est là où il a été construit, donc, une grande mosquée. Et ce masjid, yusamma masjid al-shajara. Masjid al-shajara. Et on va voir ce que va dire le shir lui-même. Fadhul hulayfa hiya ab'adul mawaqit. Dhul hulayfa, donc, ce miqat des gens de Médine, c'est le plus éloigné des mawaqit. Taïeb, pourquoi? Parce que simplement, c'est l'endroit qui est le plus éloigné de Mecca par rapport aux autres mawaqit. Bainaha wa baina Mekkata 10 marahil. أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق فإن منها إلى مكة عدة طرق وتسمى وادي العقيق ومسجد يسمى مسجد الشجرة. Donc le cheikh nous dit ici, il fait référence donc à des unités de mesure. Il dit 10 marahil. À la kulli hal, ceux qui sont partis donc depuis Miqat Ahl al-Madina jusqu'à Mecca, ils savent combien il y a de kilomètres à peu près, c'est vers les 400 kilomètres. Ici c'est simplement une précision qui est donnée par le shir, et il nous dit suivant, bien entendu, les différentes routes qu'on va emprunter, parce qu'avant il y avait plusieurs routes pour aller jusqu'à Médine, pour aller à Afwan jusqu'à Mecca, pas comme aujourd'hui, bien entendu on a une route principale qui va mener donc jusqu'à Mecca. Donc bien entendu, tous ces termes qui sont employés comme Dhul Hulayfa, ces délimitations donc se trouvent dans des endroits, et ces endroits là ils portent bien entendu des noms, comme ici le cas de Dhul Hulayfa. C'est dans une plaine, cette plaine qu'on appelle Al-Aqiq, Wadi Al-Aqiq. Wa masjid wa yusamma masjid al-shajara. On appelle la mosquée de l'arbre, si on traduit bien entendu, notamment. Wa fiha bi'run. Wa fiha bi'run tusammiha juhal al-aama birru Ali. Li dhannihim anna Aliyan qatala al-jinn biha. Wa huwa kadhib. Fa inna al-jinn lam yuqatilhum ahad min as-sahaba. Wa Ali arfa'u qadran min an yathbuta al-jinn liqitalihi. ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة ولا يستحب أن يرمى بها حجرا أو غيره. Donc ici le cheikh il nous dit également que il y a un puits, et ce puits là les ignorants parmi le commun des musulmans ils l'appellent بئر علي, c'est-à-dire le puits de Ali, le puits de Ali. Et pourquoi cela? Parce qu'ils font allusion à une histoire qui est en réalité un mensonge, un kadhib, ou un kadhib, comme il nous dit le shir. une histoire qui dit qu'un djinn, il a combattu Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Et il nous rappelle, cher al-Islam, que les djinns, ils n'ont jamais combattu une personne parmi les sahaba, parmi donc les compagnons. Et il nous dit que, encore plus Ali, c'est-à-dire qu'Ali, qui est élevé par rapport à son rang, par rapport à son niveau, al-djinn, il n'aurait pu donc se présenter devant lui et patienter devant lui pour le combattre, vu donc le rang de Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Et il nous dit, wala fadilata li hadha al-bir, wala madamma. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune particularité, que ce soit en bien ou que ce soit en mal, par rapport à ce puits. C'est un puits comme tous les autres. Et ce qui est raconté, et le fait qu'on l'appelle le puits de Ali, c'est en vérité un mensonge. Et également, il n'est pas recommandé d'y jeter donc des pierres ou autres, comme le font al-Juhal, comme le font donc les ignorants, qui croient à cette histoire, et qui croient donc ici qu'il y a un bienfait à faire cela. Ou alors que cela est mustahab fi din. Wahada, bien entendu, tout cela, ça fait partie de l'ignorance des gens. Wallah al-musta'an. Ça, donc, c'est pour Dhul Hulayfa. Ensuite, yaqul, rahimahullah, wa amma al-juhfa. Donc, ici, le deuxième miqat, qu'on appelle al-juhfa. Al-juhfa. Wa amma al-juhfa, fa baynaha wa bayna makkata nahwa thalathi marahil. وهي قرية وكانت تسمى مهيعة أو مهيعة وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرم من ميقات أهل المدينة فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق. Donc le deuxième qui va citer, qui est Al-Juhfa, il va encore nous indiquer donc de près une unité de mesure, et on voit que c'est beaucoup moins, que c'est même plus de trois fois moins éloigné que Dhu al-Hulayfa, parce que le premier c'était Ashra Marahil et celui-là c'est Thalatha Marahil Faqat. Donc on voit qu'il y a une grosse différence de distance entre les deux. Et il nous dit que c'est à la base un village. وَيَا قَرْيَةٌ كَانَتْ قَدِيمًا مَعْمُورًا. C'est-à-dire dans le temps elle était remplie. وَكَانَتْ تُسَمَّا. Et cette ville-là, on l'appelait donc مَهْيَعَ, comme ça. Ou alors مُهْيَعَ الْفَتْحَةُ بِضَمَّا. وَهِيَ الْيَوْمْ خَرَاب. Et donc aujourd'hui elle est désertée. Il n'y a plus rien. وَلِهَذَا صَارَ النَّاسُ يُحْرِمُونَ قَبْلَهَا مِنَ الْمَكَانَ الَّذِي يُسَمَّى رَابِغًا. C'est-à-dire que les gens, ils font donc leur ihram juste avant min al-makan que l'on appelle donc Rabir, Rabir bil-Ghain. Donc ça c'est l'endroit qui aujourd'hui, ou à partir duquel les gens font donc al-ihram min al-makan alladhi yusamma Rabir. Wa hadha miqat liman hajja min nahiyat al-Maghrib ka ahli al-Sham wa Misr wa sa'il al-Maghrib. C'est-à-dire donc ça c'est pour les gens de l'Occident. Et quand on dit bien entendu les gens de l'Occident, c'est par rapport à Mecca. Et donc ici c'est Al-Sham, donc les gens du Sham. Et le Sham de nos jours c'est bien entendu la Syrie, la Palestine, la Jordanie, ou Misr, et également donc l'Égypte, et également le reste du Maghreb, donc tous les pays du Maghreb. Ça donc c'est ce qu'on appelle, et comme cela est venu dans le hadith du prophète sallam, c'est son nom qui a été donné par le prophète sallam, ce qu'on appelle donc Al-Juhfa, et qui est le miqat de ces gens là Et ici donc il va nous rappeler le shir ce qu'on avait dit un peu avant. Si les gens maintenant, lakin idha ijtazu, donc les gens, que ce soit de l'Égypte, que ce soit du Maghreb, ou alors les gens du Sham, s'ils passent maintenant devant, c'est-à-dire donc qu'ils vont être à Médine, et qu'ensuite donc ils vont voyager, est-ce qu'ils doivent faire l'ihram depuis Miqat Ahlil Medina? Donc depuis le miqat des gens de Médine qui est Dhu al-Hulayfa, il nous dit le shir ou al-mustahab, c'est-à-dire que cela est le préférable à Umbil Ittifaq, c'est-à-dire ici l'ensemble des savants, donc l'accord des savants pour dire que cela est mustahab, que cela donc est mieux, que cela est recommandé qu'il fasse l'ihram depuis le miqat des gens de Médine. Tayyib. Par contre, s'il le retarde jusqu'à qu'ils arrivent à al-Juhfa, fa fihi nizar. C'est-à-dire que si eux maintenant ils le retardent et qu'ils font leur ihram à un endroit bien entendu qui est plus proche que Dhul Hulaifa, c'est-à-dire que maintenant les gens du Maghreb s'ils passent à la délimitation qui a été faite du prophète sur Salem pour les gens de Médine, mais qu'eux ils ne font pas leur ihram à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils disent nous on est min al Maghreb, petit exemple, alors min al Sham, et qui font donc leur ihram plus loin, c'est-à-dire donc on en a vu la délimitation pour eux elle est plus courte vu que c'est leur délimitation à eux c'est Al-Juhfa. Donc ici le shir nous dit qu'il y a ikhtilaf, ils retardent donc leur ihram jusqu'à cet endroit-là, voilà cette délimitation qui est en parallèle à Al-Juhfa. Il dit ici qu'il y a ikhtilaf, c'est-à-dire nizar, ikhtilaf, c'est-à-dire donc qu'il y a une divergence entre les savants. On ne va pas détailler, car de nos jours, tous les gens ils font l'ihram depuis Dhu al-Hulayfa, qui fait partie de l'ihram des gens de Médine. Tayyib. Wada wal mustahab aslam, comme il nous a dit le shir bil ittifaq, c'est ce qui est préférable pour eux. Et en relation avec la parole du prophète, si on revient au hadith, il a dit le prophète, waliman marra alayhinna min ghayri ahlihinna. Comment on l'a expliqué? Ensuite, il nous dit, c'est-à-dire les trois qui restent. On a vu donc, Dhul Hulayfa, Al-Juhfa, il reste encore trois. Il nous dit donc, وفي الوجوب نزاع. Donc ici le shir nous dit que pour ce qui est des trois autres mawaqit, c'est ceux qui sont les plus proches de Mecca, car il y a uniquement maintenant marhalatayn, c'est-à-dire donc deux unités de mesure. Tayyib. Alors pour Dhu al-Hulayfa il y en avait 10, pour al-Juhfa il y en avait 3, et maintenant il y en a 2 pour les trois autres. Donc c'est les plus proches de Mecca, les plus proches de Mecca quant à la distance. Et nous dit le shir, وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج والعمرة إلا بإحرام. C'est-à-dire donc, on doit automatiquement, lorsqu'on passe à la limite de ces mawaqit, on doit, et qu'on est bien entendu birqas, on a l'intention de faire notre hajj et notre umrah, on doit le faire donc, et on est en état d'ihram. On doit se mettre donc en état d'ihram. Donc, il n'est pas permis à une personne qui va passer devant Al-Ihram ou devant Arfwan, une personne qui va passer devant le miqat, qu'il passe donc sans se mettre en état d'ihram, taïb, c'est-à-dire avec sa niya, et qu'il a mis aussi les habits. Qu'il les a mis avant les habits, parce que ça aussi on en a déjà parlé, c'est-à-dire l'habit de l'ihram, que ce soit le rida, soit l'izar, donc les deux pièces que l'on porte, taïb, qu'on les a mis depuis chez nous, c'est-à-dire que la personne, à titre d'exemple, qui part de la France pour faire son hajj, s'elle s'habille de chez elle, avant même de prendre l'avion, qu'elle s'habille avec son ihram, ça c'est jaiz, c'est tout à fait permis. Ensuite il nous a dit, et également on a parlé de cette question en résumé, c'est-à-dire qu'une personne maintenant elle ne veut pas aller faire le hajj ou l'umrah, mais elle part pour faire un tijara, c'est-à-dire donc qu'elle part pour faire un commerce à Mecca, ou alors pour visiter une personne à Mecca. Il nous dit donc Fayanbari ici, le mieux pour lui, c'est qu'il fasse al-ihram, qu'il se mette en état de sacralisation. Wafil wujub nizar. Par contre, pour ce qui est de l'obligation, certains savants ont dit qu'il était même obligé pour lui. La personne qui partait pour faire un tijara, qui partait pour rendre visite, et qui passait donc devant al-mawaqit, alors le shir dit qu'il faut, sans parler ici de wujub, c'est-à-dire d'obligation, il dit, donc on comprend, il est mieux pour lui qu'il fasse mettre en état d'ihram, de sacralisation. Wafil wujub nizar. Par contre, pour ce qui est de l'obligation, sachant que certains savants, ils ont dit, cela est obligé. Cela pour lui est obligé. Il y a donc ici divergence. Comme on l'a dit, on l'avait dit avant de commencer même l'explication du livre et la méthode qu'on va employer, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer à chaque fois dans les irtilafat. On va rentrer peut-être dans certains irtilafat lorsqu'ils sont muhim, lorsqu'ils sont importants. Pour que reste donc Ar-Risala, pour que reste donc le texte de Cheikh al-Islam, il y a un résumé, parce qu'il a voulu, de par cela, le résumer. C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans les détails. Sinon, on sait que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah aurait pu rentrer à ce moment-là donc, dans le détail, et nous a apporté les preuves, etc. Mais pour que ce soit donc, que ce soit concis, donc il en reste à rappeler simplement qu'il y a, comme il dit, une divergence. Taïb, pour préciser donc le reste des al-mawaqit et pour qui ils ont été désignés, donc ce qu'il avait dit le shir en troisième, qarn al-manazil, qarn al-manazil, qarn al-manazil. Ça donc c'est pour Ahlun Najd. Ça c'est pour Ahlun Najd, c'est-à-dire donc les gens qui viennent du Najd, que ce soit donc en direction de Riyad, etc. Les gens donc du Najd, ceux qui viennent de cet endroit-là, eux également ils ont un miqat pour eux et qui s'appelle donc Qarn al-Manazil. Ensuite en quatrième il avait cité le shir Yalam Lam. On voit ici deux lames, Yalam Lam. Et Yalam Lam c'est pour Ahlul Yémen. Ce miqat il s'éloigne de Mecca depuis le sud, direction donc du sud. Mais d'aujourd'hui les gens du Yémen ils font eux leur ihram donc dans une ville qui s'appelle Qaryatul Sa'diya, un village qui s'appelle Qaryatul Sa'diya, comme ça, depuis nos jours donc, c'est là où ils font donc eux leur ihram. C'est la délimitation pour eux. Il s'appelle Yalam Lam. Et ensuite le dernier, et qui est pour les gens de l'Irak, Ahlul Iraq, les gens de l'Irak, et qui s'appelle Dhatu Irq. Dhatu Irq. Ça c'est le cinquième, Dhatu Irq. Pour les gens de l'Irak, Dhatu Irq. Donc ça c'est pour les cinq, et pour qui ils ont été donc attribués respectivement. Ensuite le shir dit, Rahimahullah, ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع. Donc celui qui va passer à cette délimitation qu'on appelle le miqat au moment des mois du Hajj, au moment des mois du Hajj. On verra également qu'il va avoir ici un ikhtilaf pour la personne qui va faire son ihram avant les mois du Hajj. Et on a vu ce qu'étaient les mois du Hajj. Shawwal, Dhul Qa'dah ou Dhul Hijjah. Naam. Donc ça, c'est les trois mois du Hajj. Shawwal, Dhul Qa'dah ou Dhul Hijjah. Donc il nous dit le shir, وَمَنْ وَافَ الْمِقَاتْ فِي أَشْهُرُ الْحَجْ. Donc on va voir un peu plus tard, lorsqu'une personne va faire son ihram avant les mois du Hajj. C'est-à-dire donc avant Shawwal. À titre d'exemple, elle passe au miqat, elle fait donc à l'intention bien entendu de faire le Umrah ou le Hajj, ou de faire le Hajj, elle le fait donc avant le mois de Shawwal, par exemple le mois du Ramadan ou avant. Ici on verra donc quel irtilaf des savants. À la kulli hal, dit le shir, وَمَنْ وَافَ الْمِيقَاتْ فِي أَشْهُرُ الْحَجْ. Celui donc qui va passer donc devant le miqat et qui a donc l'intention de faire son Hajj durant les trois mois du Hajj, فَوَ مُخَيَّرْ بَيْنَا ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ. Il a donc le choix d'accomplir trois catégories. Et ce sont donc les trois catégories ou les trois formules du pèlerinage qui sont autorisées en islam. Et c'est ce que va nous citer ici le shir. وَيَا الَّتِي يُقَالُ لَهَا أَتَمَتُّعَ وَالْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ. Donc ces termes qu'il faut connaître par cœur également. وَيَا الَّتِي يُقَالُ لَهَا أَتَمَتُّعَ وَالْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ. Donc أَتَمَتُّعَ qui est le premier, il faut les noter également. وَالْإِفْرَادِ Al-Ifrad, qui est le deuxième. Wal-Qiran. Wal-Qiran, qui est le troisième. Et simplement, le shir va nous préciser que pour ce qui est de Al-Qiran, on dit dès maintenant, vu qu'on a cité les noms, il faut savoir que Al-Qiran, au niveau de la Sunna, c'est-à-dire au niveau des paroles du Prophète, également les paroles des Sahaba, il lui donnait comme nom At-Tamattu' également. Il lui donnait comme nom également At-Tamattu'. C'est ce que va nous dire le shir, rahimahullah. Également, c'est ce que nous rappelle Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Wa yutlaq At-Tamattu' fi 'urf as-salaf 'ala al-qiran aydan. Qala ibn 'Abd al-Barr, لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج. قال ومن التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفر النسك الآخر من بلده ومن التمتع فصح الحج أيضا إلى العمرة. طيب. Donc on voit ici, d'après la parole de Ibn Hajar et celle qui cite également de Ibn Abd al-Barr, rahmatullah ala al-jami', que du temps du prophète et également des sahaba, il donnait comme nom au qiran, ce que nous on appelle maintenant qiran pour bien faire la différence, il lui donnait le nom également de tamattu'. Simplement après, lorsqu'on revient aux paroles des sahaba, lorsqu'on revient donc à la sunna, on n'est pas une ambiguïté. Et qu'on dise en fait le tamattu' maintenant, le tamattu' que je connais, c'est en réalité différent de ce que je vois dans la sunna. Tout simplement parce qu'en réalité dans la sunna, al-qiran, qui est donc différent du tamattu' par rapport donc à l'istilah, par rapport à la convention, c'est ce qui était utilisé donc dans la sunna, tamattu', et on voulait parler al-qiran. Donc c'est ici une précision qu'on donne pour pas qu'il y ait ensuite un iltibas, taïb, pour pas qu'il y ait une ambiguïté pour les frères et les sœurs. Donc lorsqu'on dit al-tamattu' ou al-ifrad ou al-qiran, c'est bien trois différents. Sauf que al-qiran également dans la sunna et dans la parole des sahaba, il l'appelait comme également al-tamattu'. Et comme il est venu dans le verset du Coran, faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj. Donc on voit que ce terme il revient. C'est un terme coranique. Tamattu'. Ou al-ifrad, al-ifrad qui veut dire qui revient donc à la notion d'être seul, isolé, parce qu'à ce moment-là on va faire le hajj uniquement. Ou al-qiran, al-qiran qui vient donc également de la notion de rassembler. Al-qiran qui vient donc de la notion de rassembler. Pourquoi ? Parce qu'on va rassembler le hajj et la umrah. On va expliquer, inshallah, cela en détail, simplement pour donner ce que veut dire al-tamattu' et d'où c'est pris, ou al-ifrad, ou al-qiran. Ensuite, il nous dit le shaykh, rahmatullah alayh, Incha'a ahalla bi umratin, fa'idha halla minha ahalla bil hajj, wa wa yukhassu bism al-tamattu'. Donc, le tamattu', c'est celui-là. C'est que la personne, elle va accomplir dans un premier temps la umrah. Donc, une umrah complète. Une umrah complète. Comment on pourrait faire une umrah en dehors des mois du pèlerinage. Donc une umrah complète. Taïb. Lorsqu'il a fini sa umrah, il a terminé tous les actes que l'on doit faire durant la umrah, les piliers, les al-wajibat, etc. Wayuhil, il revient à son état initial, c'est-à-dire qu'il n'est plus en état de sécrétisation. Fa'idha halla minha ahalla bil hajj. Ensuite, donc, une fois qu'il a fini cette umrah, il redevient en état normal. Donc il n'est plus en état de sacralisation. Et au moment où on va arriver le jour du début du hajj, donc le 8e jour de Dhu al-Hijjah, à ce moment-là, yuhillu bil hajj. Donc il se remet en état de sacralisation et il va commencer donc son hajj. Tayyib. Donc à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle at-tamattu'. C'est ce qu'on appelle at-tamattu'. Il va faire donc son hajj complet. Est-ce que c'est clair? Inch'Allah ou ta'ala. C'est-à-dire spécialement on va lui donner le nom de tamattu'. Il dit bien ça, car on sait que, comme on l'a expliqué à tamattu' également, on veut dire al-qiran. À la kulli hal ici, tamattu' spécialement. Tamattu' spécialement. Wa insha'a ahrama bihima jami'an. Et s'il veut, bien entendu, au moment donc où il va être en état d'ihram, il va donc passer le miqat. Yuhrim, c'est-à-dire il se met en état de sacralisation pour faire les deux en même temps. C'est-à-dire pour faire al-umrah, pour faire al-hajj en même temps, sans donc qu'il y ait ici une séparation entre les deux. Donc on voit que c'est pour ça qu'on appelle, on va appeler cela al-qiran. C'est pour ça qu'on va appeler cela al-qiran, parce qu'on voit qu'il y a un rapprochement. Taïb, comme si on racolait donc le hajj à la umrah. Wa insha'a ahrama bihima jami'an. Taïb. أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف. Sinon, et c'est également la deuxième possibilité pour ce qui est de Al-Qiran, donc on est toujours dans le Qiran, c'est-à-dire qu'il commence par un Umrah. أو أحرم بالعمرة, c'est-à-dire donc il commence par un Umrah, il fait son Ihram en a l'intention de faire sa Umrah, et ensuite ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف, c'est-à-dire avant qu'il commence donc de faire le Tawaf lors de cette Umrah-là, il a la niya donc de raccrocher à elle le hajj. De raccrocher à elle le hajj. Taïb, à ce moment-là, il est en état de qiran. Il nous dit, wa huwa al-qiran. Bien entendu, ici, il y a également un ikhtilaf des savants. Est-ce que, il faut que ce soit automatiquement avant le tawaf de cette umrah ou après le tawaf? À la kulli hal ici, ce que le shir nous dit, c'est qabl al-tawaf. C'est donc avant qu'il commence le tawaf de cette umrah, il a donc l'intention, à ce moment-là, de rassembler la Umrah avec son Hajj. De rassembler plutôt son Hajj avec sa Umrah. De rentrer donc son Hajj dans la Umrah. Taïb. Et bien entendu, à ce moment-là, il n'y aura pas de tahallul, c'est-à-dire qu'il ne va pas délaisser son état de sacralisation entre la Umrah et le Hajj. Il reste toujours en état de sacralisation. Contrairement à Tamattu'. Taïb. Donc on répète pour ce qui est de Al-Qiran. C'est soit donc dès le départ, lorsqu'il passe au miqat, yulabbi bi'umrati wa hajj, wallahumma labayka bi'umrati wa hajj. Tayyib. Et à ce moment-là, donc, il est en état de qiran. Il va faire donc sa umrah, et ensuite il va faire son hajj. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est qu'il yuhrim bi'l'umrah. Il dit Allahumma labayk bi'umrah. Et ensuite, une fois qu'il est arrivé à Mecca, qu'il va commencer sa umrah, ou alors avant, le principal soit avant le début du tawaf, il met dans son intention de faire le hajj. Il met donc dans son intention de rapprocher ou de raccrocher le hajj à cette umrah. Taïb. Donc on voit la différence entre les deux, mais pour ce qui est du résultat, on appellera les deux al-qiran. On appellera les deux al-qiran. Ensuite, il nous dit le shir. Donc comme on a dit, c'est-à-dire ce nom-là, ici Al-Qiran, on le retrouve, ou ce terme-là, on le retrouve comme étant le nom de At-Tamattu', comme étant le nom de At-Tamattu'. Et on le retrouve dans le Coran, comme le shir fil kitab, d'après le verset qu'on a déjà cité, Faman tamattu'a bil umrati ila al-hajj, également dans la parole prophétique, wa sunnah wa kalam al-sahaba. Donc comme on l'a expliqué. Ça, on retrouve donc ce terme Al-Qiran sous le terme Tamattu', mais qui est en réalité Al-Qiran par rapport bien entendu à l'istilah, et qui est différent du Tamattu', elle l'a dit, qui est khas du Tamattu', celui qui est spécialement et que nous on indique pour faire la différence comme étant Tamattu'. Wa insha'a ahrama bil hajj mufridan wa al-ifrad. Ou alors s'il veut, il fait uniquement le hajj sans faire donc la umrah, sans faire donc de umrah, uniquement donc le hajj, c'est-à-dire au moment donc il va passer c'est-à-dire qu'il va faire uniquement donc son hajj, et c'est pour ça qu'on dit uniquement son hajj, c'est-à-dire que ça va être isolé de toute umrah. C'est pour ça qu'on dit al-ifrad, ça vient de là ce terme. Wa insha ahrama bil hajj mufridan wa al-ifrad. Tayyib. Donc il fera ici uniquement le hajj en lui-même, sans le raccrocher à une umrah. Donc ça, c'est pour ce qui est des trois catégories du hajj, ou les trois formules du Hajj. Ensuite, le Shir, rahimahullah, il va rentrer dans la question de Al-Afdaliyya. Qu'est-ce que le meilleur, ou quelle est la meilleure formule à faire entre ces catégories? Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.